Dans les premiers jours de juin, Marthe reçut une lettre de Jacques. Il était malade. On l'évacuait à l'hôpital de Bourges. Passant par J, le lendemain ou le surlendemain, il suppliait Marthe qu'elle guettât son train sur le quai de la gare. Marthe me montra cette lettre. Elle attendait un ordre. L'amour lui donnait une nature d'esclave. Aussi, en face d'une seule servitude préambulaire, avais-je du mal à ordonner ou à défendre. Pouvais-je l'empêcher d'apercevoir son mari pendant quelques secondes? Et je n'allais pas chez elle le lendemain. Le surlendemain matin, elle me suppliait de venir, si j'avais encore de l'amour pour elle. Je lui expliquai ma réserve, mon respect pour ses devoirs envers Jacques malade. Nous pleurâmes. À J, Jacques avait cherché des yeux Marthe, puis le train, passant devant la maison, il avait vu les volets ouverts. Sa lettre l'a supplié de le rassurer. Il lui demandait de venir à Bourges. « Il faut que tu partes, » dis-je, de façon que cette simple phrase ne sentit pas le reproche. « J'irai, » dit-elle, « si tu m'accompagnes. » Je lui représentai combien il était immoral qu'elle se fit accompagner par moi. Que ma réponse ne fut pas orageuse, comme celle d'un amant outragé, sa portée s'en accrut. Pour la première fois, elle m'entendait prononcer le mot de « moral ». Marthe regrettait cette espèce de voyage de noces scabreux. Elle comprenait maintenant ce qu'il y avait d'impossible. « Du moins, dit-elle, permets-moi de ne pas y aller. » Ainsi, à force d'orienter Marthe dans un sens qui me convenait, je la façonnais peu à peu à mon image.